Ouais, c'est la 5 là. Tu t'es branché ou pas? Hey! En charge de cagole, faut valider la cagoule. Mélange la caméléon, bien comme être au caquet. Ça vole comme ton épice, on a fourni comme le tamoul. Posé dans un local, nos blagues, des maîtres au taquet. Accusé pour des faits, on sait qui est en tort. La paire de TN, elle sait ce qu'elle encourt. Je suis dans mon quartier, et y'a la bague encore. T'en rêves un peu plus, moto, y'a le BTS en cours. Pop, lève la roue avant, je suis derrière. J'fume des joints, la police, c'est démolition à la cité, ça fume des gènes. Ça fume le shit, shit, gros, ça m'écrit des jours. J'ai un peu pas sur le zip, zip, les voisins nous prennent pour des fous. Ça dit, dit, tu sais que ça dépend pas des jours. J'apprends ça et fil, fil, problème, on agit comme des sourds. Sous la bise, bise, je le casse, qui est lourd. On arrête comme bise, bise, t'inquiète quand c'est pour des sous. Hein, de testeur, derrière au pécho, il sort du toaster. Abonné, je suis toujours à mon poster. Sur la poubelle, j'entame une poster. J'ai ce pédo à mon pote. Il a la sacoche depuis midi posté. À la fatigue, mais je riposte. À force de rallumer le gros ster. C'est Yamal, derrière au pécho. Quand tu payes ta bouteille en chicha, moi je la paye pour la boire en quartier sans chichi. Hein? Rap violent, pas de violon, catapie au mur, donc pas de violard. J'me plaît la pléca, j'suis derrière, j'suis pas la taille. T'es pas au courant, crois-moi tout seul, j'suis pas la chine. J'veux de la hausse, t'en sont pas la frais. Ou d'autres apprécient pas l'Afrique, donc t'es pas sous chef, mais bon, j'suis pas la frère. Jeune loi, pas attiré par la frite. Moi et mes amis, on veut rouler en tout nouveau. Elle te dira, je t'aime en direct, tu ne vaux tel. Pourtant, rien ne change, on prend la pêche quand tu nous vois. Et ce bâtard me dit, dis-moi, il faut un nouveau tel. Bim, et on repart. Après minuit, je suis ivre à chaque fois qu'on parle. L'après-midi, on se dit, ouais, j'ai quand qu'on part. Pour l'instant, je suis dans ma vie, calé quelque part. Affolant, sombre et rentre, grosse virgule après. Tu me connais, pour la rue la vraie. Pour la rue la vraie. Rien n'a changé, tu prends l'avril, le bâtiment est toujours tel après. Derrière, on pêche chaud, sort du four. On n'est pas prêt de faire. On arrive en fourgon, on oublie le fair play. Alors, là on n'a pas de bol. De toute façon, on déjeune même plus, hein.